éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'une femme qui a été à la fois une icône du music-hall, une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et une militante contre le racisme. Voici Josephine Baker. Elle est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, aux États-Unis, dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale. Étant ici d'un milieu très modeste, Josephine connaît très tôt la pauvreté et le racisme. À seulement 19 ans, elle quitte les États-Unis pour la France, où elle devient rapidement une star des années 20. Sur scène, elle fascine le public parisien par son énergie, sa liberté et son audace. À Paris, elle devient célèbre avec un costume resté dans l'histoire, une ceinture faite de bananes. Beaucoup la regardent alors comme une curiosité exotique. Mais Josephine Baker transforme cette image imposée en outil de liberté. Elle choisit sa mise en scène et impose sa présence dans un monde dominé par les hommes. Mais Josephine Baker n'est pas seulement une artiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance française. Elle profite de sa notoriété pour voyager et transmettre des messages secrets, parfois cachés dans ses partitions. Elle risque sa vie pour lutter contre l'occupation de l'Allemagne nazie. Après la guerre, elle poursuit son combat, cette fois contre le racisme. Elle participe au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis et refuse de se produire dans des salles où le public est séparé selon la couleur de peau. Elle adopte aussi 12 enfants venus de différents pays qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel pour montrer que des personnes de cultures différentes peuvent vivre ensemble. Josephine Baker n'a jamais accepté qu'on la limite à son image d'artiste exotique. Elle a utilisé sa célébrité pour défendre la liberté, l'égalité et la dignité. Elle est morte en 1975, mais son entrée au Panthéon en 2021 a rappelé qu'elle n'était pas seulement une star, elle était une femme libre, engagée et déterminée à faire entendre sa voix dans un monde qui voulait parfois la réduire au silence. Et c'est cela qu'il faut retenir d'elle. Josephine Baker n'a pas seulement brillé sur scène, elle a choisi d'agir, de s'engager et de défendre ses convictions jusqu'au bout.